partir de rien arriver. La vie est telle qu'on l'a fait. Crois en toi d'abord si tu veux progresser. La première leçon de la vie, avoir un but dans son existence et cela suffit. À faire de soi un homme digne, éviter la guignée. Que chacun peut accomplir ses rêves, que tous les revers sont brefs. Garde la tête haute car chacun commet des fautes. L'essentiel c'est de se battre et de jamais cesser. Jamais écouter ceux qui veulent te voir tomber. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain. Évalue les possibilités que t'as dans tes mains. Le malheur ça va sur toi si tu l'acceptes. L'espoir est du bonheur le premier précepte. Garde l'espoir, mec. Je souris et je vis, ça c'est grâce à l'espoir. Comme un tas de jeunes, on traite de racailles comme tous les jeunes. Quelle est la différence entre lui et toi? Toi aussi tu veux une famille, avoir une paye tous les mois. On a tous des rêves qu'on voudrait voir aboutir. Fais attention, les tours, les blocs peuvent t'abrutir. Y'a trop de frères qui croient que jamais ils pourront s'en sortir, alors qu'une porte est grande ouverte sur leur avenir. C'est vrai que la rue a fait de toi ce que tu es. C'est vrai que maintenant personne te marche sur les pieds. Dis-moi qui sont tes potes, je te dirai qui tu es. Et où tu finiras si tu continues ce que tu fais, toi-même tu sais. Je souris, je vis, ça c'est grâce à l'espoir. Beaucoup trop de gens démotivés en plus d'objectifs. Motif une tentative et un échec, c'est triste. Et là une attitude courante, les gens baissent les bras, se laissent abattre dans la rue, bras ballants circulent. C'est pas une attitude car ici rien n'est impossible. Parti de rien, tu sais, beaucoup ont fondé un empire. Être inactif c'est style, sable mouvant c'est pire. Nous on a galéré c'est clair et on a fait ce qu'il faut. On a taffé une attitude de vrai et pas de faux. Pourtant on collectionne les stops dans les maisons de disques. Bravant les stops on est dans l'industrie du disque. Et puis quoi encore, t'auras rien sur un plateau en or. À la tâche tu vas tuer mec, tu vas suer. Qu'est-ce que tu crois mon ami, c'est ça la vie. On espère du concret et finalement de l'air. On a tous une chance qu'on fond de l'espérance. Je souris, je vis, ça c'est grâce à l'espoir. Espérance. J'ai le monde entier dans un seul verre.